truc c'est qu'elle est plus jolie. Et ça, ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Ça fout la haine quand elle se regarde. Elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Oh, and finally, nobody's really happy. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Like a big shit.